Maintenant je fuis de jour comme de nuit, le cœur fermé de s'être trop serré. Maintenant j'en ai rien à faire de laisser faire. Ne me regarde pas comme ça, je n'ai tué personne. Viens m'oublier au creux de la mort, la tête tombant sur le sol sale. Regarde, il y a des milliers de morts, je ne suis pas sûr de n'y être pour rien. Salut, regarde, il y a...